La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Rien n'est plus compliqué que la vie à deux. Nos sensibilités, nos émotions, nos manières d'agir rendent souvent la vie difficile et l'amour ne suffit pas, hélas, et notre bonne volonté se heurte souvent à d'importantes différences entre les sexes. Pour comprendre justement ces différences hommes-femmes, l'observation de nos plus proches cousins, les primates, peut nous être utile. Et entre anthropologie et éthologie, le psychiatre Philippe Brenon remonte aux origines de la relation homme-femme et propose un nouveau mode d'emploi de la vie amoureuse, rien que ça. Il publie Pourquoi c'est si compliqué l'amour aux éditions Les Arènes. Et il est dans un instant l'invité de La Tête au Carré. Vous pouvez lui poser toutes vos questions et nous envoyer vos messages bien sûr sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une intelligence artificielle au service des grands prématurés, c'est aujourd'hui à la une de la science. Oui, DigiNewBee, un système intelligent conçu pour prédire les infections en couveuse. Il fait ses preuves en ce moment au CHU de Rennes et on vous le présente dans un instant. C'est Frédéric Milano qui réalise aujourd'hui cette émission préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Villard sur France Inter. Bonjour Philippe Brenon. Bonjour Mathieu. Vous êtes psychiatre, médecin, anthropologue et thérapeute de couple et donc vous publiez ce livre « Pourquoi c'est si compliqué l'amour » aux éditions Les Arènes. Alors vous justement qui êtes thérapeute, qui rencontrez tous les jours des couples dans votre cabinet, pourquoi est-ce que ça se déchire autant? Pourquoi ça se dispute? Pourquoi les hommes et les femmes s'insupportent entre eux? Alors, je dirais qu'il y a d'abord une interrogation qui est très large, qui se fait depuis longtemps, et je ne prétends pas résoudre totalement la question. Très souvent, on va réfléchir sur l'interaction à deux. On a parlé des personnalités, notamment. Et d'ailleurs, quand deux partenaires vont s'invectiver, c'est très souvent renvoyé aux personnalités, à la famille, à un certain nombre de choses. Alors moi, je ne parle que des couples de sexes différents. Des couples hétérosexuels, dans la mesure où on va y venir peut-être dans un instant, les hommes et les femmes, ou plutôt nous sommes les premières générations où un homme et une femme sont en face l'un de l'autre, ça peut paraître très curieux, depuis le début de l'humanité. Car si on regarde toutes les sociétés traditionnelles, et on va y venir, toutes les sociétés traditionnelles ont séparé le monde des hommes, le monde des femmes. Ce qui a certainement construit des codes différents qui font que dans les couples de sexes différents aujourd'hui, depuis les 50 dernières années où il n'y a plus le caractère tampon, par exemple, dans le gynécée, qui était là pour protéger les femmes de l'agressivité et de la domination masculine, eh bien, il va y avoir un affrontement de codes invisibles. Et ce sont ces codes dont je parle, des codes sexuels, des codes langagiers. Oui, c'est ça, parce que les codes, c'est beaucoup de langage et la parole quand même aussi. Hein. Je dirais le sexe et la parole. Alors, pourquoi l'anthropologie est intéressante, justement, pour étudier cette question du couple? Alors, c'est ma formation personnelle et très particulière. La plupart des thérapeutes de couple ne connaissent pas l'anthropologie et les anthropologues ne s'intéressent pas directement au couple. C'est-à-dire que mon interrogation première en tant qu'anthropologue et voyant des humains, que ce soit en couple, que ce soit de façon individuelle, je m'interroge toujours pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est humain dans l'intimité humaine, qu'est-ce qui est humain dans la relation à deux, par exemple. Qu'est-ce qui est humain, dans cette relation très particulière qui fait le fait d'observation depuis les 50 dernières années, je crois que c'est marquant, c'est l'augmentation des séparations, ce que toutes les sociétés sont interdites depuis le début de l'humanité. Oui. Et regardez autour de nous, et dans la trajectoire de chaque auditeur, on a pu connaître des interruptions de relations alors que nos grands-parents, arrière-grands-parents n'en avaient pas, puisque le divorce d'une certaine façon était interdit. Qu'est-ce qui fait l'humain, et en particulier par rapport aux autres primates, on va en parler également avec vous, puisque l'éthologie aussi s'invite dans cet ouvrage. Vous proposez des clés pour améliorer le climat amoureux et vivre une sexualité épanouie. Eh bien, on va prendre tout ça avec vous dans un instant, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Philippe Brenon sur franceinter.fr. À tout de suite. Dans la pénombre, avec d'infinies précautions, l'infirmière tente d'apaiser le minuscule bébé. Né 3 mois avant le terme, le petit garçon pèse moins d'un kilo. DJ Newbie, c'est une intelligence artificielle pour veiller justement sur les grands prématurés et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard. Oui Mathieu, lorsqu'un bébé naît un peu trop tôt, il termine sa maturation en couveuse et là la moindre infection peut être lourde de conséquences. Et d'ailleurs les signes avant-coureurs sont difficiles à voir, ils n'ont pas de fièvre par exemple. Et c'est pour cette raison que des médecins et chercheurs de l'université de Rennes associés avec les hôpitaux universitaires du Grand Ouest ont développé DJ Newbie, un système intelligent conçu pour prédire justement ces infections. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons celui qui a passé 3 ans à coordonner le développement de cette intelligence, Patrick Pladis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis les locaux de France Bleu Armorique. Vous êtes professeur de pédiatrie et chef de service au CHU de Rennes. Alors, DJ Newbie est aujourd'hui opérationnel. On peut le dire, vous l'avez testé sur 2 enfants au CHU de Rennes. À quoi est-ce que ça ressemble concrètement autour du nouveau-né ? Donc l'objectif du dispositif, c'est, comme vous l'avez dit, de faire un diagnostic précoce des infections avant la dégradation clinique, de façon à essayer d'améliorer le devenir de ces enfants. Et donc pour faire cela, comme le diagnostic est difficile parce qu'il n'y a pas de signes cliniques spécifiques, on va utiliser un ensemble de données observationnelles qu'on récupère à partir des moniteurs. Les nouveau-nés, quand ils sont prématurés, ils finissent leur, comme vous le dites, le temps où ils auraient normalement dû être à l'intérieur de l'utérus en dehors. Et c'est le travail du néonatologiste d'effectuer de faire le travail pour que le suivi se passe bien. Hein. Et dans ce cadre-là, du fait de l'immaturité, les bébés, ils ont une défense contre les infections qui est mauvaise, hein, oui. Qui est immature. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de récupérer l'ensemble des signes avant-coureurs de cette infection pour pouvoir permettre aux cliniciens de traiter plus tôt. Les signes qu'on recueille viennent des moniteurs. C'est-à-dire qu'on va enregistrer les rythmes cardiaques, les rythmes respiratoires, l'oxygénation du bébé. Ça vient aussi de caméras. À partir de ces caméras, on va faire des analyses de mouvements, des enregistrements de sons, et puis on y rajoute les observations cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le système est capable de prédire des infections ? Est-ce qu'il est, il a une sorte d'intuition ? C'est ça qu'on peut dire ? Non, on peut pas dire ça. On peut dire que on est capable, à partir de l'évolution observée, d'estimer un risque que l'enfant soit au début de son infection. Oui. Et on se base sur quelles données pour estimer ce risque ? Eh ben, l'idée, c'est en fait de récupérer tous les éléments dont je vous ai parlé. Oui. Hein, et de faire une approche qu'on va dire composite, c'est-à-dire qui va réunir ces éléments ensemble pour en sortir l'information. Et cette information va nous dire, bah, cet enfant, il fonctionne plus comme normalement. Il y a quelque chose qui perturbe son fonctionnement. Ce quelque chose est probablement une infection. Et on va avertir le clinicien de cette situation. Et ce qui fait ce travail-là, c'est là que les intelligences artificielles jouent leur rôle. C'est-à-dire que, on met en place des algorithmes, qui apprennent de l'ensemble d'une grosse base de données qui est construite à partir des 6 hôpitaux du Grand Ouest, hein, donc le réseau Hugo. Hein, et à partir de ces six hôpitaux-là, on récupère des informations à partir des bébés qui sont hospitalisés, dont certains, malheureusement, vont faire une infection. Oui. Et à partir de ces informations-là, on construit des algorithmes qui vont être applicables aux autres bébés par la suite. Dans les travaux préparatoires dont vous parlez, ceux où on nourrit l'algorithme, quel était le taux de réussite de DJ Newbie ? Actuellement, là, on en est sur une phase préliminaire en termes de rentabilité diagnostique. Ce qu'on a montré qu'on était capable de faire à ce stade-là, donc c'est de mettre en place un prototype qui récupère donc toutes les données dont je vous ai parlé, les données des moniteurs, des vidéos cliniques, d'incorporer tout ça avec des algorithmes qui nous donnent un risque de 0 à 100 et de pouvoir le présenter de façon compréhensible au personnel soignant et aux médecins. Ce qu'on a pu montrer à partir, donc là, sur cette, plus on a de patients inclus dans ce processus, plus les performances diagnostiques vont augmenter. Oui. Donc actuellement, on n'en est pas à la fin de ça, c'est-à-dire que on va améliorer la robustesse du système, mais déjà, à partir des données préliminaires, on a pu montrer qu'on était capable d'identifier l'infection 4 heures à 48 heures avant les cliniciens. Et donc, ça, donc, ce qui permet d'envisager d'améliorer. Oui, ça montre que l'IA est plus performante que l'humain, alors, Patrick Pladis. Non, c'est pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est avec l'intelligence artificielle, c'est un système d'aide à la décision médicale. Ça remplace pas le médecin. C'est-à-dire que ça va donner des informations complémentaires qui vont permettre au médecin de réagir plus vite, mais ça va pas remplacer le raisonnement médical. Parce que l'intelligence artificielle ne peut rendre que ce qu'elle a appris finalement. Et donc, le médecin a un domaine de connaissances que n'ont pas les algorithmes. Une dernière question, Patrick Pladis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme, si le système fonctionne parfaitement, qu'il fasse diminuer la présence des hommes autour de ces nouveau-nés, alors qu'on sait que c'est très important pour leur développement? Non, faut pas voir l'intelligence artificielle comme ça. L'intelligence artificielle doit aider les praticiens dans leur pratique au quotidien. Peut-être va les décharger d'une certaine partie technique, leur permettre d'intervenir plus tôt. Et au contraire, je pense que ça peut permettre d'améliorer le contact avec les patients et de permettre d'avoir plus de temps et de se centrer un petit peu plus sur la relation. Si la charge technique, au final, avec ces nouveaux développements-là, arrive à diminuer. Merci en tout cas pour ces explications, Patrick Pladis. Je rappelle que vous êtes professeur de pédiatrie et chef de service au CHU de Rennes. Vous étiez en duplex des studios de France Bleu. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain. À demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un petit nouveau dans la famille du grand T-Rex, Susqui Tyrannus Azelae, ou Susqui pour les intimes, a été découvert par des paléontologues américains au Nouveau-Mexique, dans le bassin de Zuni, fouillé en 1998. Beaucoup plus petit que son grand frère, Susqui mesurait certainement moins d'un mètre de haut pour 3 mètres de long. Son crâne et ses pattes très effilées lui permettaient de chasser de petits animaux tels que des poissons ou des tortues, mais également des lézards. Et il devait certainement être lui-même chassé compte tenu justement de sa petite taille de dinosaure. Attention aux antipuces en pipette si vous avez des chiens et des chats. L'ANSES lance un appel à la prudence autour des produits à base de permétrine. En effet, ces insecticides utilisés pour traiter les parasites des chiens est toxique, voire mortel à faible dose pour les chats. Tremblements, convulsions et troubles neurologiques graves. L'organisme des félins n'est pas fait pour éliminer cette substance. La permétrine est commercialisée en pharmacie sous le nom de Topsicab, un produit donc à utiliser avec précaution. Et puis pour terminer, des robots sous-marins qui se rechargent grâce aux excréments des poissons pour faciliter l'exploration sous-marine. Des chercheurs américains sont parvenus à développer des batteries qui s'alimentent toutes seules en énergie. Une technologie prometteuse aussi appelée pile à bactéries. En effet, celles-ci parviennent à transformer en énergie le dépôt d'excréments qui tapissent le fond des océans. Une ressource que l'on trouve non seulement en abondance, mais qui se vend et qui se veut aussi inépuisable, à condition évidemment qu'il reste des poissons dans l'océan. Allez, pourquoi l'amour c'est compliqué, dossier de l'émission dans un instant. J'ai aimé comment votre main par instant modulait le son de la modulation. Votre main fouillant, Michouko boîte à gants, votre main dans mon cou. Il y a un temps pour tout. J'aime votre visage à la lumière du péage. Aime ces discussions sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes la nuit. J'ai aimé dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. J'ai aimé comment vos yeux de temps en temps suivaient le chemin. Un doigt sur le Michelin, vos yeux démasquants. Une sortie monte au banc, vos yeux près des miens flous. Il y a un temps pour tout. Et j'aimais votre visage à la lumière du péage. Aimais ces discussions sous le panneau des directions. J'aimais vos théories sur les autoroutes la nuit. J'aimais dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. Thank you. aimer comment? Pas loin des carburants, vos lèvres accrochées, le rebord d'un gobelet, vos lèvres soufflant, des nuages de froid blanc pour vos lèvres, j'avoue. Il y a un temps pour tout et j'aime votre visage à la lumière du péage. Aimez cette discussion sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes la nuit. J'aime dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et c'était Vincent Delerme. La tête au carré. Les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter. Je dis simplement que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière. C'est tout. Tu verras jamais un mec pleurnicher parce qu'il n'y a plus de yaourt à 0% d'un fruit. Ouais, mais tu les verras chialer parce que la France est éliminée du mondial. T'aurais pu demander avant. Yaourt, c'est le seul truc que j'avale le soir. Écoute, on va pas en faire un fromage. C'est qu'un yaourt. Ah bah c'est facile de parler quand on vient de finir une grosse pizza avec une caisse de bière, le cul collé au fauteuil. Ouais, mais bon, c'est pas ma faute, quoi. C'est de la mienne, peut-être? Arrête de dire n'importe quoi. Si seulement t'étais un peu plus responsable. Ouais, mais bon, on va pas chamailler pour ça. T'exagères tout de suite. On n'aurait jamais dû emménager ensemble. T'es pas mature. Et dire que je voulais avoir un enfant avec toi. Ouais, mais un enfant, c'est pas de la rigolade. Faut prendre son temps. Calculer son coût, préparer le terrain. Avec toi, c'est pas possible de discuter normalement 30 secondes. Allez, arrête. C'est pas grave. C'est qu'un yaourt. J'en achèterai des palettes entières. D'accord? Tu fais la paix? Tu comptes t'en tirer comme ça? Avec la bouche en cœur et la bite tendue? Tu rêves, mon gars. Voilà, il est insupportable, lui, dans l'histoire, quand même, avec sa palette de yaourt. Extrait d'un court-métrage web qui s'appelle La Rupture, Philippe Brenneau. Vous êtes l'invité de l'émission cet après-midi pour parler de ce livre, Pourquoi c'est si compliqué l'amour, qui paraît aux éditions Les Arènes. Et à l'issue de cette émission, bien, les couples en difficulté pourraient peut-être trouver de quoi améliorer le climat général. Hein, en tout cas, c'est un peu pour ça, quand même, que vous l'avez écrit. Oui, en tout cas, il y a une réflexion qui peut aider tout le monde à dépasser des malentendus. Au départ, c'est l'idée de malentendu que je rencontre depuis 30 ans, que je vois des couples en difficulté, mais aujourd'hui les couples que l'on voit en difficulté, et je redis une chose, je parle que des couples hommes-femmes, des couples hétéros, c'est-à-dire ces codes différents dont on va parler, qui ne sont pas politiquement corrects, parce que dans le post-féminisme et les études sur le genre, un homme et une femme devraient être identiques. Non, ils ne sont pas identiques, ce sont des stéréotypes. La plupart sont de culture, peut-être de nature, certains, mais aujourd'hui on est obligé de faire avec. Et la difficulté, c'est qu'ils sont invisibles. Eh bien, tous ces couples, il y a 20, il y a 30 ans, il y avait beaucoup plus de névroses, je vais dire. Mais aujourd'hui, la plupart des couples qui ne s'entendent pas, ils ne sont pas de la psychopathologie, ce ne sont pas des malades mentaux, c'est que ils ont et ils s'aiment. Vous rappelez ça quand même aussi, hein. C'est le point commun. Les couples qui viennent vous voir, bien entendu, ben, ce sont avant tout des couples qui s'aiment quand même. Bien entendu, si je vois 5 ou 6 couples dans la journée, ils peuvent ne plus faire l'amour depuis 2 ans, depuis 10 ans, ils peuvent s'invectiver, même se taper dessus quelquefois, malheureusement. Mais leur point commun, ils ont tous un lien amoureux. Sinon, ils seraient séparés, ils ne seraient pas là. Ouais. Et malgré l'amour, eh bien, ils n'y arrivent pas parce que, en grande partie, il y a des codes différents dont on va parler. Alors, pourquoi est-ce que vous me disiez en antenne, en écoutant l'extrait justement de ce court-métrage La Dispute, il n'a rien compris, en parlant à sa compagne là, dans cet extrait? Et très souvent d'ailleurs, les gens me demandent « Quel métier fais-tu ?» Et je réponds souvent « Traducteur ». Oui, parce que, alors c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps et on va voir comment l'origine peut nous y aider, ou l'histoire plutôt, mais c'est très vrai que par la séparation du monde des femmes et du monde des hommes depuis des millénaires, peut-être 1 million d'années, eh bien les femmes vont avoir développé un langage qui est plutôt des choses qui sont non dites, essayer de ne pas se de ne pas être perçu d'une domination masculine qui devait être assez pressive et étouffante, et ce langage-là n'est pas compris par les hommes ou très peu, alors que je pense que les femmes comprennent beaucoup mieux ce que nous disons, ce que disent les hommes de façon très explicite dans ce dialogue qu'on a entendu, c'était évident. Et c'est-à-dire que les hommes vont trouver une question à solutionner, une solution, et pour les femmes, cette solution arrête le dialogue, c'est-à-dire l'échange l'échange des paroles qui, d'une certaine façon, sont des caresses verbales, et j'ai envie de continuer à me caresser avec toi. Non, mais là, c'est une claque qu'il envoie à sa compagne, en lui disant « je vais t'acheter une palette de yaourt ». Enfin, c'est insupportable, ce discours-là. C'est insupportable, et puis il lui dit « c'est terminé, on ne se caresse plus ». Ouais. Alors justement, Philippe Brunon, on le disait tout à l'heure, vous avez aussi cette formation d'anthropologue qui vous permet d'avoir un regard un peu différent aussi sur la question du couple et des rapports humains. Et puis celle aussi d'éthologue, parce que l'observation du monde animal et celle des primates en particulier a vraiment des choses à nous renseigner. On peut comparer la vie sentimentale d'un chimpanzé ou d'un bonobo avec celle d'un être humain. Alors Mathieu Vidard, vous me rappelez quelque chose, tiens, j'y avais alors, pas bon, pensé. Alors bon, je rappelle quoi, des bonobos? Non, il y a très longtemps, je travaillais pour ma thèse d'état de sciences, je travaillais avec des chimpanzés gorilles orangs le matin. C'était quelque chose de passionnant, c'était de l'éthologie. L'après-midi, je voyais des couples et des humains en thérapie. Et j'ai souvent rencontré des primates plus acculturés, je dirais, que certains humains. Ouais. Mais cette comparaison me vient toujours. C'est-à-dire, nous avons notre côté animalité. Je la vois, je l'aperçois plus parce que je l'ai. Et j'essaie de percevoir, mais qu'est-ce qui est humain? Très souvent, pas grand-chose. Mais très souvent, ça va être ce fond culturel, on va le voir, qui a fait qu'on est passé d'un monde que j'ai appelé le paradis primate, ou en reprenant le terme de mon père symbolique d'Edgar Morin, Edgar Morin parlait du paradigme perdu, mais c'est le paradis perdu. Ce paradis perdu dans lequel il y a une tranquillité, il n'y a pas de violence intersexe, ça on peut en dire un mot. Il n'y a pas de viol chez le primate, par exemple, singe évidemment, non humain. Si on regarde le monde le plus proche d'où nous venons, c'est-à-dire qu'il y a 5 millions d'années, nous étions primates comme chimpanzé et bonobo, qui est un chimpanzé nain. Il n'y a pas de violence intersexe pour une raison, c'est qu'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de paternité. Donc les femelles sont avec des petits, les mâles sont des électrons libres qui se promènent. Et puis ils se rencontrent dans des périodes de coït, lors des chaleurs, lors de la période de rut. À ce moment-là d'ailleurs, avec quelque chose qui est très différent de l'humanité, c'est toujours les femelles qui disent leur désir. Jamais le mâle qui se pointe avec sa petite érection. Ouais, ça change tout. Hein. Voilà. Et dans ce monde-là, je le résume simplement en deux mots, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'inceste, là je ne peux pas le développer plus, il n'y a pas de violence entre les sexes, il y a de la violence intrinsèque. Dans les groupes, hein. Et dans les groupes. Hein. Il peut y avoir un peu de violence dans les groupes, mais surtout, il va y avoir de la violence entre mâles pour avoir un rang de suprématie, notamment pour l'accès aux femelles. Il y a une violence terrible entre femelles qui se disputent parce que on a le rang de sa mère, c'est-à-dire qu'on est le fils ou la fille de la femelle dominante, par exemple. Et il y a de la violence entre elles. Violence intrasexe, mais jamais intersexe. Et ça, c'est lié simplement à une période particulière de coït, hein? C'est lié uniquement au fait que comme il n'y a pas de reconnaissance de paternité, qu'il n'y a pas de couple, eh bien il ne peut pas y avoir de violence entre les sexes. Mais je reprends la phrase et la réflexion permanente de Franz De Waal, qui est le grand spécialiste des bonobos. Mais il dit toujours, mais pourquoi venons-nous d'un monde dans lequel il n'y a aucune violence? Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et c'est un petit peu la réflexion que je fais par rapport au couple. Comment sommes-nous arrivés d'un monde dans lequel, bien sûr, il n'y avait pas de couple, mais il n'y avait pas de violence, à un monde où il y a des couples, mais où il y a de la violence? Alors justement, ce qui fait la singularité de l'humain par rapport à ces primates singes, c'est que finalement, la période des amours chez l'humain, c'est tout le temps, quoi. Hein. Alors voilà. Donc le mâle se sent le droit, finalement, de demander en permanence. Oui, alors c'est ça, c'est très intéressant. On va parler de deux, pour pas être compliqué, de deux notions. C'est la notion de réceptivité. Les femelles des mammifères, comme de la plupart des animaux, vont être réceptives, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir s'accoupler dans une période de rut, par exemple, qui est dirigée par des hormones, essentiellement, dans laquelle il va y avoir effectivement tous les signes de l'excitation, mais par exemple chez les primates, chez bonobos, on voit très bien ces signes, par exemple les femelles qui ont des callosités fessières très importantes, ça veut dire « je suis réceptive à l'amour, pas forcément disponible. Mmh. Et puis vient la disponibilité, qui est une notion psychologique, mais même chez eux ça existe. Cette femelle, elle dit « j'ai envie de toi » ou « de toi, approche-toi en premier ». Lorsqu'on vient à l'humanité, tous les signes de réceptivité de la femelle disparaissent. Chez une femme qui est réceptive, qui peut être féconde, on voit pas de différence qu'une femme qui n'est pas en disponibilité. À partir de là, c'est la disponibilité psychologique uniquement qui vient. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, une femme est, allez, je vais me permettre le terme, en permanence pénétrable. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le consentement. Il faut qu'il y ait la disponibilité qui soit dite. Une part des femelles, qui s'appellent des femmes, arrivent peu à le dire. Et malheureusement, ça va donner des malentendus terribles, surtout dans le couple, lorsque, pour beaucoup d'hommes, eh bien, ils vont se dire, tu es ma femme. Il y a une disponibilité permanente. Il doit y avoir une disponibilité permanente. Ouais. J'ai du désir, tu dois avoir du désir, puisque je t'aime. Malentendu. Et c'est pour lever ces malentendus que j'ai écrit ce livre. Absolument. On va parler de la domination masculine dans un instant avec vous, puisqu'elle fait aussi partie intégrante, évidemment, de cette histoire humaine. C'est certainement la définition de l'humanité. Voilà, c'est ce que vous dites en tous les cas. Une question de Jeanne sur franceinter.fr. Comment gérer une différence d'âge de plus de 20 ans dans le couple? Est-ce que c'est quelque chose qui est problématique, ça, ou pas? Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui soit problématique. Il y a 50 ans, oui. On parlait d'un couple mal assorti lorsqu'il y avait une grande différence d'âge, puisque le mariage d'amour, qui date d'un siècle à peu près, ça date de la guerre de 14, nos grands-parents avaient quelques années de différence. 10 ans de différence, on disait, elle épouse son père. Dans les années 70, ça commençait à se faire une dimension plus importante. Et moi, je trouve très intéressant même le modèle de notre président de la République. C'est pas une opinion politique que je donne, qui montre qu'il y a une grande différence d'âge et avec un rapport inversé. La plupart des hommes sont plus âgés que leurs partenaires. Eh bien, aujourd'hui, ça montre qu'on peut être avec une personne aimée, en fait, qui a un lien d'attachement, avec un écart d'âge faible ou plus important, dans un sens ou dans l'autre, quelle que soit l'orientation, avec quelqu'un de même sexe ou d'autre sexe. Je crois que c'est une grande liberté de notre époque. Philippe Bruno, notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré, vos messages sur franceinter.fr. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout oublier, le frère et la sœur Angèle, Roméo Elvis. La tête au carré. Sur France Inter. Non, il faut faire attention. Les femmes entendent des bruits la nuit aussi, t'as remarqué? C'est très féminin ça, y'a aucun mec qui entend des bruits, y'a que des femmes qui disent j'ai entendu. Je te jure que j'ai... Et elles mettent en scène, elles imaginent des gars et tout. Je te jure, y'a des mecs avec des arcs et des cheveux. Et toi, tu lui dis, mais non, chérie, c'est rien, parce que t'as peur, toi aussi, ouais. Mais je crois que ce qui me fascinera toujours dans le couple, et surtout chez la femme, c'est la question qu'elle est capable de te poser en pleine nuit. Il est 4 heures du mat, t'es au lit, le couple, le calme, l'appartement est vide, il n'y a que toi et elle. Tu te lèves pour aller aux toilettes, elle est capable de te dire où tu vas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi le délire? Tu sais, on est à moitié réveillé, on est là, comment ça, où je vais? T'es à poil, soirée déguisée, qu'est-ce que je te dis? Et attends, c'est pas fini, quand tu lui réponds au premier degré, elle va encore plus loin. L'autre jour, j'ai dit, bon allez, je vais pas être ironique, je vais lui répondre au premier degré, je lui dis, je vais aux toilettes. C'est ce qu'elle m'a dit, bon ok, alors reviens. Voilà, extrait du spectacle de Gad Elmaleh et Philippe Bruno. Eh bien, vous entendez ce type de propos dans votre cabinet? C'est ce qu'on vient d'entendre là, c'est vrai? Vraiment? Alors, bon, il faudrait travailler là-dessus, mais oui, ce sont des types de stéréotypes que l'on a. On a des imaginaires différents, alors qui vont être très personnels, mais il y a un fond commun qui est certainement un fond commun masculin ou féminin, qui est forcément hérité de nos identifications infantiles aux parents de même sexe. Et c'est très vrai. Alors tant mieux qu'on essaie d'enlever tout ce qui peut être discriminatoire. Mais pour aider les contemporains qui sont construits comme ça, et je le suis, et vous l'êtes, et tout le monde l'est, il faut les prendre en compte. C'est-à-dire que oui, il y a des différences de cet ordre-là. Oui. Alors l'histoire de l'humanité, c'est ce que vous dites, finalement, est marquée par un événement fondamental, la reconnaissance de la paternité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais aussi la dominance masculine. Oui. Alors ça, c'est ma lecture, c'est pas que ma lecture. Il commence à y avoir des gens qui le disent un peu comme ça, mais la plupart du temps... Ça veut dire quoi alors exactement? Si on regarde ce monde d'où nous venons, j'ai dit, nous étions primates il y a 4-5 millions d'années, même moins que ça. Et progressivement, on va devenir des humains. Le phénomène, pour moi, marquant, est certainement celui de la reconnaissance de la paternité. Ça n'existe pas dans le monde mammifères d'où nous venons. C'est-à-dire que il est impossible à une femelle de chimpanzé, de bonobo, qui va s'accoupler pendant une période de rut, pendant 3, 4, 5 jours, elle va s'accoupler avec 10, 15 partenaires, quelquefois plus. Pendant cette période de chaleur, comment voulez-vous qu'elle fasse un lien entre une copulation et une naissance 8 mois et demi plus tard chez chimpanzé? Donc ça, c'est le propre de l'homme, finalement. C'est-à-dire que je ne vois pas. J'ai suivi il y a pas très longtemps une femme qui avait un amant d'une couleur de peau qui pouvait se distinguer à la naissance, qui a été dans une angoisse terrible jusqu'à la fin. Ah oui, j'imagine. Ouais. Mais la chose est, elle-même, alors qu'elle n'a que deux partenaires, ne peut pas savoir de qui est l'enfant. Donc la question va se poser. Au début de l'humanité, il y a eu un moment où il y a une compréhension de cela. Pas du tout au niveau gamète, au niveau spermatozoïde, ovule. Ça, on ne va le savoir qu'à la fin du 19e siècle, exactement. Mais on va savoir à ce moment-là que l'homme y est pour quelque chose dans cette progéniture. À ce moment-là, ces hommes vont instaurer un ordre très particulier. Et l'outil, ça va être la domination masculine. Et la violence, du coup, d'une certaine La violence va venir, mais c'est l'outil, c'est la domination masculine. L'outil de la domination masculine, c'est le mariage. C'est-à-dire qu'une femme est donnée à cet homme Vous n'avez dans aucune culture un homme qui est donné à une femme. Ouais. Ça n'existe pas. Donc le mariage a vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Et le mariage va immobiliser, c'est le terme qu'on utilise au niveau éthologique par rapport à des mâles qui immobilisent des femelles. Il va immobiliser cette femme dans un endroit très particulier qui est le gynécée, ouais. où elle va être protégée surtout par les femmes âgées, de façon à empêcher toute rencontre avec un autre mâle, c'est-à-dire toute rencontre de fécondation possible. Ouais. Je vais même dire quelque chose de terrible, mais on peut le dire, je pense, à l'antenne de La Tête au Carré. Le mariage idéal, ça serait cette pratique abominable, je le dis bien, de l'infibulation, c'est-à-dire dans laquelle les voies génitales de la femme sont fermées, sont cousues, réouvertes juste pour être inséminées, refermées jusqu'à l'accouchement. Et là, il n'y a aucun doute que oui. cette infibulation empêche absolument tout autre mâle d'approcher cette femelle. Et alors, excusez-moi, je suis très curieux, mais c'est quoi la morale de l'histoire de votre connaissance qui avait un amant Oui, elle a été rassurée. Ça s'est bien passé ou pas? Elle a été rassurée à la naissance de l'enfant. Très bien. Tatiana nous dit, au début de la relation du couple, on est souvent plus disponible pour le partenaire. Pourquoi est-ce que cela disparaît avec le temps? Oui, alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, c'est très connu, même au niveau neurobiologique, psychoneurobiologique. La rencontre va se faire par dans le choc amoureux, par une espèce de climat neurobiologique chimique, différent. Chimique, hein, c'est de la chimie aussi. C'est de la chimie, c'est-à-dire que la rencontre, la rencontre est d'ordre psychologique, mais très vite le relais, la courroie de transmission, elle est biologique. On va dire une grande hormone, l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, c'est l'hormone de l'enfant royal actuellement, qui est caressé par sa mère, et ça va créer le lien. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre? Dans les premiers jours de la rencontre, dans le premier mois, dans les 6 mois, on se touche en permanence. Et je conseille à tous ceux qui se touchent en permanence de continuer à le faire. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien. Après, elle va baisser, on va faire un peu moins l'amour, et en définitive, les couples qui durent sont ceux qui arrivent à passer ou accepter la perte de la passion pour passer à l'amour durable. Le gros problème aujourd'hui, c'est que la plupart des couples ne désirent pas vivre un couple amoureux, ils désirent vivre un couple passionnel. Dès que ça devient un tout petit peu tiède, ça va plus, on ne sait pas. Ça, c'est le problème aussi de notre génération, finalement. Oui. C'est l'idéalisation de la relation amoureuse. C'est-à-dire qu'effectivement, on dirait que la passion dure toujours, hein, et on sait bien que c'est impossible, mais il y a toujours cette idée-là, finalement. Une certaine déception lorsqu'on observe, finalement, ces changements-là. Mais on a envie de cette passion. Et puis, on est aussi avec une période très particulière, avec les rencontres multiples possibles. On peut vivre des passions successives. Alors qu'auparavant, on en vivait une. Ouais. Et à partir de là, on peut être charmé par ces passions, plus que par le couple durable. Mais il y a ça aussi derrière le mariage, hein, c'est ce que vous expliquez. Bien c'est sûr. Que l'homme pense finalement qu'il n'est plus que le seul mâle possible dans la relation. Et alors, c'est une façon de le rassurer, au fond. Mais... C'est l'autre pan pas de ma théorie, de ma lecture, de l'évolution du mariage puis du couple, qui est quelque chose de récent. C'est très vrai que dès que l'on rentre dans la relation au long cours, un homme et une femme ont certains... Je parle là de grands critères, c'est valable pour la plupart des hommes, la plupart des femmes. Après, il y a évidemment des hommes et des femmes qui vont avoir des imaginaires un peu différents. Mais c'est très vrai que pour cet homme qui est... j'allais dire autrefois en possession de son épouse, eh bien effectivement il n'y a plus besoin de séduction. Et on va le voir, ça va amener quelque chose qui est très compliqué, c'est que la sexualité féminine n'est possible que s'il y a un contexte très particulier. C'est-à-dire que la sexualité féminine est très conditionnelle, notamment au contexte amoureux. La sexualité masculine l'est très peu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un homme peut faire l'amour même si les conditions sont défavorables. Une femme ne peut pas faire l'amour s'il y a un climat délétère qui est créé dans le couple. On en parlera tout à l'heure, ça fait partie des clés aussi hein, pour entretenir justement une relation. Il faut justement penser à ces différences entre les hommes et les femmes. Sylvie nous dit, comment gérer et construire l'amour à distance après une rencontre via les réseaux sociaux? L'amour est arrivé, mais émotionnellement, physiquement, la distance est quand même très dure à vivre. Il n'y a alors, pas d'ocytocine dans ces cas-là? Ça dépend de quelle distance, et je ne sais pas si Sylvie nous dit qu'ils sont déjà rencontrés. Moi, je conseille, quand on a des rencontres par les réseaux sociaux, je veux dire qu'aujourd'hui, ça va devenir même le cas le plus fréquent. On se rencontre peu dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de ruptures, donc il faut qu'il y ait beaucoup de rencontres pour arriver à trouver quelqu'un avec qui on correspond. Moi, je conseille très souvent qu'on ait un contact par tel ou tel réseau, que très vite, on ait un contact charnel. Le contact charnel, c'est la voix. La voix est une part charnelle de soi. Ouais. Vous dites d'ailleurs, pour entretenir le couple, il faut penser à la voix. Hein. C'est très important, alors, dans la séduction, dans une forme surtout, de... Surtout, cette voix, la voix masculine est portée par de la testostérone qui lui donne cette gravité et elle est extrêmement... Les femmes y sont extrêmement sensibles. C'est un lien hormonal, je vais presque dire. À ce moment-là, se parler pendant une minute, deux minutes, dix minutes, on va se rendre compte très vite si on a un intérêt commun, si on a envie, intérêt commun à poursuivre. Mmh. À ce moment-là qu'on se rencontre assez vite. Si on se rencontre très tard... J'ai vu des relations dans lesquelles la rencontre va être par des chats pendant une année, pendant... Et à ce moment-là, on rencontre quelqu'un qui ne correspond pas à l'imaginaire que l'on s'est construit. Et là, badaboum. Ça peut arriver. Philippe Brunon, vous êtes avec nous. L'amour, c'est compliqué, mais heureusement, vous nous donnez des clés et ça paraît aux éditions Les Arènes. Keys à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà Philippe Brunon, pourquoi c'est si compliqué l'amour, comprendre nos différences pour une vie à deux épanouie, c'est aux éditions Les Arènes. Ça fait un peu la somme quand même de tous vos travaux, hein, et de votre réflexion depuis le temps que vous recevez ces couples, plus de 1000 dans votre cabinet, mais oui, on a l'impression quand même, parce qu'on vous a beaucoup reçu dans cette émission-là, qu'on a une sorte de condensé de Philippe Brunon, non? C'est vrai Mathieu, ça synthétise beaucoup de mes idées, j'ai pas eu beaucoup de mal à les rassembler, mais j'avais jamais écrit ça. En définitive, même si j'ai écrit pas mal de livres, je n'en avais écrit qu'un sur le couple. C'était en 2001, Inventer le couple, dans lequel il y a la base de l'invention du couple et la façon dont il a évolué dans le temps y était, mais il n'y avait pas notamment les cinq temps de l'amour et la façon de comprendre ces différences. On va y venir dans un instant. Il y a Hélène qui nous envoie un petit message en nous disant: j'ai une définition du couple assez personnelle, les hommes et les femmes sont faits pour s'aimer mais pas pour vivre ensemble, c'est ce que nous pratiquons avec mon compagnon, ça se passe très bien, nous sommes un couple de week-end et de vacances, nous sommes tous les deux à la cinquantaine divorcés et quand on se retrouve c'est la fête. Est-ce que c'est ça les living together apart, les amoureux qui vivent pas ensemble, comme le disent les Anglais? Alors Hélène a raison, mais je vais dire qu'il y a énormément de raisons. C'est-à-dire que c'est la solution pour elle. Pour beaucoup de couples, d'ailleurs, dans la recomposition, eh bien oui, à un certain âge, souvent, on veut, et c'est très bien quand on fonctionne comme ça, mais il n'y a plus de modèle de couple. Lorsque, dans les années 70, le mariage traditionnel s'interrompt, il continue à y en avoir un petit peu, mais on va chercher des solutions. Dans ce livre dont je parlais, Inventer le couple, j'avais identifié une dizaine de solutions. Il y avait des couples intermittents, des couples de week-end, il y avait des couples qui étaient à distance, ainsi de suite. Et je crois que chacun va trouver une solution. C'est-à-dire que nous avons à inventer le couple qui nous correspond en étant attentif. Et c'est la solution, les secrets que je donne, que j'ai trouvé, parce que c'est dans nos codes différents. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment à l'écoute des différences de l'autre, des différences, c'est pas que de la personnalité. Je vais essayer d'entendre ce que je n'entends pas. J'écoute, bien entendu, mais est-ce que j'entends? Et je parle surtout aux hommes. C'est beaucoup plus compliqué aux hommes d'entendre ce qu'une femme veut dire. Les femmes comprennent mieux. À ce moment-là, je leur demande d'être très attentionnés, de pas rejeter un homme, parce que très souvent, pour une femme, c'est insupportable. La réflexion, je l'ai entendue mille fois. Je t'ai dit ça 10 fois. Ma meilleure copine, la moitié de la phrase, elle a compris. Et à ce moment-là, je dis à cette femme, oui, mais elle a le même logiciel. Elle est surprise parce qu'elle n'y avait pas pensé. Et c'est vrai, il faut que les femmes soient assez acceptantes de la difficulté, de notre difficulté. Moi, j'ai la même en tant que, même si je suis un peu plus attentif, c'est pas facile de comprendre, d'entendre des suggestions, des non-dits et toute cette langue secrète des femmes dont les hommes ne sont pas coutumiers. Hélène nous disait, les hommes et les femmes sont faits pour s'aimer mais pas pour vivre ensemble. Je pense que Zabou est d'accord. Extrait de la crise. Qu'est-ce qui te prend ? J'étais égoïste, j'aimais trop ma liberté et je t'ai jamais proposé le mariage ni de vivre avec toi, mais ça j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je t'aime vraiment et je peux pas me passer toi, je fais le grand saut. Comment ça le grand saut ? Quel grand saut ? Mais ça va pas la tête ? Quoi ça va pas la tête ? Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, moi. Comment ça t'as pas envie ? Bah non, j'ai pas envie, j'ai pas tellement la place d'abord. Tu m'aimes plus ? Mais bien sûr que je t'aime énormément même, enfin c'est pas pour ça que... Tu veux qu'on se marie ? Mais non, je veux pas qu'on se marie, j'ai pas du tout envie, tu comprends, pas du tout. Mais de quoi t'as pas envie ? Mais de tout, de rien, je sais pas moi, t'as toujours faim quand je fais un régime, tu traces pendant des heures et tu nettoies jamais le lavabo, j'ai pas la place pour une grosse machine à laver, ton copain Stéphane, je le trouve lourd, je veux pas qu'il vienne chez moi regarder les matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes, je sais pas moi, plein de trucs. Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends, ni toi ni personne, je ne veux pas, je veux vivre seul, tu comprends, je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante, je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème. Le problème c'est que je ne veux pas d'un mec étiffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens toi qui repasse si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Voilà, et on adore hein, ces abous. On l'a déjà passé dans l'émission, mais on ne s'en lasse pas. Extrait de la crise, Colin Serrault, avec beaucoup de stéréotypes aussi là-dedans. C'est très stéréotype. Hein. Disons que les différences dont je parle, elles sont, ça en fait partie. Au début, tout à fait, c'était vrai. Et c'est tout ces langages invisibles. C'est-à-dire qu'on ne comprend, on ne sait pas. Lorsqu'on est en train de parler, que ce n'est peut-être pas entendu de la même façon, ou peut-être pas entendu tout simplement. Ouais. Sohan nous demande ceci, est-ce que la question de la disponibilité chez la femme disparaît ou baisse avec la ménopause ? Alors, si on parle de disponibilité sexuelle, non. C'est un discours que nous tenons depuis longtemps. Je vais même dire une chose, c'est que la sexualité des femmes peut s'améliorer et s'épanouir avec l'âge. Il peut y avoir quelques difficultés au niveau de sécheresse vaginale, on va dire simplement le terme, mais par contre, qu'il n'y ait plus la gêne des règles régulières, et une femme va mieux se connaître, et la sexualité peut augmenter en disponibilité, tandis que celle des hommes peut avoir quelques problèmes mécaniques, quand on regarde avec l'âge. Alors Philippe Bruno, les 5 temps de l'amour, c'est ce que vous proposez, ce sont des solutions, des exercices, des histoires pour améliorer donc le climat amoureux. Je sais pas si vous employez le terme de mode d'emploi d'ailleurs, parce qu'il est pas très beau ce terme-là, mais non, bon, ce sont des clés, hein. Oui, c'est oui, ça. Alors on commence par quoi? Par la voix, justement, c'est ça? On en discutait un petit peu tout à l'heure, ce premier temps de l'amour, c'est la voix et la séduction. Je dirais que le parcours, ou du moins une des clés que je propose, et notamment que je propose aux hommes dans un couple de sexe différent, la séduction n'est jamais terminée pour les femmes, mais les hommes ne le savent pas. C'est-à-dire que la sexualité féminine est extrêmement conditionnelle au climat amoureux et à tout un tas de climats qui sont personnels à chaque femme. Eh bien, moi je dirais que lorsqu'on s'est rencontrés, on va prendre un café ensemble, on se plaît, on se regarde dans les yeux, la voix y participe, on est dans une séduction, mais on n'a pas de geste d'intimité. Il y a une deuxième étape que j'appelle une étape de tendresse et de tendresse corporelle, on va se toucher les mains, on peut s'embrasser, mais on se touche pas plus intimement. La troisième va être quelque chose de progressif vers ce qu'on peut appeler l'érotisme. L'érotisme, c'est le désir. Ça va tendre vers une excitation, c'est-à-dire qu'on est passé progressivement vers l'excitation. S'il y a de l'excitation, il y aura de la sexualité. Par contre, dans un couple, l'excitation masculine, elle est permanente, elle est immédiate. C'est vrai que si on rentre, un homme pénètre directement avec son excitation, à l'extrême, je vais dire, ça s'appelle le viol. Mais les hommes ne savent pas que les femmes attendent tous les jours qu'on repasse par la case départ, comme dans le Monopoly, qu'on touche 20 000 euros, pourquoi pas. Donc les trois premières étapes, hein. C'est-à-dire que c'est trois premières étapes. La séduction, le regard, la voix, etc. Séduction, le geste. Tendresse, érotisme doivent jouer tous les jours. Et je dirais même, lorsqu'on parle de préliminaires, les préliminaires à l'amour, ça dure une semaine. Alors les gens sont très étonnés, mais oui, c'est une semaine de climat ininterrompu, de proximité. Ah oui, c'est long quand même. Oui, ça peut durer un mois. C'est long un mois. Non, la plupart des femmes vous diront heureusement non. Heureusement qu'on est jour férié aujourd'hui dedans. La plupart des femmes vous diront bien sûr que non, et elles entendent très bien. Quand je dis ça, beaucoup d'hommes vont dire qu'est-ce que vous racontez, mais la plupart des femmes ont compris. Ouais. C'est-à-dire, et moi je ne l'ai appris, d'où je sais tout cela, cher. Bah, des gens qui sont venus vous voir. Non, je ne sais cela que des femmes que j'ai écoutées. Ah ouais. Et c'est vrai que la plupart des femmes vont vous dire, mais si un climat amoureux, ça fait un mois qu'on est, c'est formidable, tout un tas de choses deviennent possibles. Pas obligatoirement, mais deviennent possibles. Élie nous dit quelques remarques à propos de l'émission du jour. L'humain est un primate. Bon, bah, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. La reconnaissance de paternité existe chez de nombreux mammifères, type grand carnivore, chez divers oiseaux également. Oui, tout à fait. Mais alors, tout à fait. Ouais. Je lui réponds très brièvement. Très court, ouais. Chez les oiseaux, oui, mais il y a une monogamie permanente. Mais nous ne sommes pas des oiseaux. Ouais. Et chez très peu de primates, c'est 1% en gros des primates. Et c'est des cas particuliers. Et les sociétés à domination féminine existent aussi bel et bien dans l'histoire. Là, ça serait à discuter. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Philippe Bruno. Ça s'appelle « Pourquoi c'est si compliqué l'amour ?» Et c'est aux éditions Les Arènes. Merci d'être venu aujourd'hui en ce 8 mai. Quelle histoire ! C'est le thème de la 4e édition d'Imagine au Centre Pompidou et sur France Culture. Tout un week-end de marathon radiophonique, de débats, de masterclass et de performances, ouvert à tous. À vivre au Centre Pompidou les 11 et 12 mai à Paris, c'est gratuit. Programme complet, franceculture.fr et centrepompidou.fr. France Culture, une radio de Radio France. France Inter, M. Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mise en scène de Jean-François Sivadier, avec Nicolas Bouchot et Agnès Sourdillon à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Peter gère la station thermale qui fait la richesse de la ville. Thomas, son frère, y est médecin. Il découvre que les eaux sont contaminées. L'affrontement fratricide s'étend à toute la société. Comment arbitrer entre la vérité et l'économie? Une pièce brillante, d'une actualité saisissante. Un ennemi du peuple, du 10 mai au 15 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Un spectacle France Inter. Voilà, demain, dans le dossier de la tête au carré, on va vous parler de l'expérience scientifique la plus longue du monde. Mais elle est vraiment très très longue, vous allez voir, et c'est autour de l'évolution et des bactéries, et c'est tout à fait passionnant. Philippe Bruno, il y avait aussi cette bande dessinée Sex Story, hein, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le sexe. Mais alors, Sex Story, BD. Oui, qui s'est appelée, il y a une deuxième version qui s'appelle Une histoire du sexe, voilà. Effectivement, qui est en fait l'histoire de notre sexualité depuis les origines. Et ça se lit en bande dessinée de façon très agréable. Et ça s'est vendu à 100 000 exemplaires, donc énorme succès.